Ça va les amigos? Hier matin, j'étais au soleil, j'écoutais un podcast sur l'hépatite C. Ça te met une patate pour démarrer la journée. Pour moi, il y a l'hépatite C et le reggae. Là, je me suis dit, Ernesto, fils d'un randonneur et d'une tante quechua, est-ce que tu me raconterais pas plutôt à tes camarades ce que tu as lu dans Marianne cette semaine? Parce que oui, je lis Marianne. Ah, si vous le répétez à Laurence Bloch, je n'irai. Je dirais que j'étais sous cortisone, ou pire, que j'avais bu à la gourde de Leïla, et que sous kétamine, bah forcément, je me suis emmêlé les pinceaux. Alors, pourquoi je lis Marianne? Vous savez qu'il y a un petit moment que mon père est mort dans une sorte de décès, un truc con avec arrêt des fonctions vitales et tout. Et depuis, je trouve que lui et moi, on parle quand même vachement moins qu'avant. Je dis pas que c'est de sa faute, on a tous les deux nos torts. En attendant, sur la fin de sa vie, il était très ronchon quand même sur les transformations de la société. En mode, oui, tu verras que bientôt, on pourra plus fumer dans les maternités, et ce sera bien le pompon. Et c'est pour ça que je lis Marianne quand je lis Marianne. J'ai un peu l'impression de reparler avec mon père, en fait. Et c'est dur de vieillir sans nostalgie. Vous avez vu la dernière interview de Michel Sardou? Ce siècle, le pauvre, il est au bout du scotch. À côté d'Éric Zemmour, c'est Jean-Pierre Pernaut, quoi. Sardou, tu sens que si Elon Musk crée un vaisseau pour retourner en 78, il serait là. Prenez-moi avec. Prenez-moi, je ferai ce que vous voulez. J'épluche les oignons, je change les housses de couette. Ne me laissez pas ici. Il y a des gens, ils sont non-binaires. Je comprends plus rien. C'est quoi cette... Et je comprends qu'on soit heurté par l'érosion du monde dans lequel on a vécu. Moi, par exemple, j'ai jamais digéré que Julie Lescaut soit passée au format 52 minutes. N'importe quoi. J'ai toujours dit, si c'est pour faire ça, alors faites des capsules YouTube. Alors avec Julie Lescaut, faites des snaps. Mettez Véronique Jeunet sur Chatroulette et ce sera bien le pompon. Oh, sympa, non. Mais donc, dans le Marianne de la semaine, il y avait un dossier un peu ronchon comme ça sur les insultes homophobes dans les stades, et sur le coup il y avait écrit pourquoi ils veulent rééduquer les supporters, les automobilistes, les dragueurs, les fumeurs, les beaufs, les chasseurs, les mal élevés, les mangeurs de viande et les amateurs de vin. Et je l'ai acheté parce que je me suis reconnu dans au moins 3 de ces catégories. J'en ai parlé à Daniel, il m'a dit que 3. Je dis oui, en effet, toi t'es sur un grand chelem là, évidemment, tu vois. Et sur une double page, il y avait le magazine regrettait, je cite, ces petits plaisirs pointés du doigt par les brigades des bonnes mœurs. Genre, par exemple, la cigarette, la viande, la chasse, la bagnole, la fourrure. Je dis, putain, même la fourrure. Non. C'est chaud, quand putain, la fourrure, même Nagui a arrêté. Quoi. Tu prends le droit. C'était votre grosse résolution de la rentrée. C'est vrai que ça fait 2 semaines que vous y tenez. Et je dis, reste, quoi. Parce que l'année passée, quand il est arrivé avec son vison, je dis, putain, et il est vivant en plus. C'était votre fierté. Et donc, j'aime bien lire Marianne. Parce que ça me rappelle à quel point je suis progressiste, vraiment, je suis ouvert aux évolutions de la société, et tant que ça ne me concerne pas. Quoi. Parce que quand Marianne parle d'alcool, par exemple, c'est vrai, en même temps, c'est vrai qu'ils n'ont pas tort sur tout. Hein. C'est vrai, parce que c'est pas parce que tu as bu 7 verres de vin que tu ne peux pas conduire une ambulance. Mais c'est vrai que, pareil, quand je dis qu'au stade, on ne pourra plus dire arbitre, rentre ton cul. Là, je suis là, attends, c'est vrai, il ne faut pas passer à côté du côté poétique. Tout d'un coup, il y a une petite résistance. Comme ça. J'entends la voix de Michel Sardou qui me dit viens avec moi en vent 78. La semaine dernière, vous vous rappelez quand vous m'avez emmené dans votre guet-apens fatigué là, à Clairefontaine, oui. Quand on est arrivé, Tom Villa, il m'a filmé devant vos 2 étoiles en mousse là, et votre coupe en papier crépon là. Il m'a dit ah, Guillermo, tes impressions. Et je lui ai dit va bien te faire enculer. Et voilà, j'aurais pu répondre je te souhaite de bien tomber dans les orties. Mais c'est pas ce qui m'est venu naturellement. Hein. Je vous le dis franchement. Et pourtant, j'ai un badge France Inter. Donc il va y avoir du boulot, les amis, et pas que dans les stades. Allez, bonne émission. Yes. Merci, wow. Guillermo. France Inter. La bande originale. Et j'ai la preuve.